Chapitre 35. Les mots. Ophélie traversa la cour intérieure du secrétarium avec la certitude qu'elle y marchait pour l'une des toutes dernières fois. Les festivités de la cérémonie au dehors prenaient ici une résonance cuivrée, pareille à la ritournelle d'un vieux tourne-disque. Elle leva la tête vers le globe de l'ancien monde qui flottait au milieu du puits de lumière. Il était la réplique exacte de celui qui lui servait de contenant, et pourtant le secret qu'il renfermait surpassait celui de toutes les collections réunies. Un miroir suspendu, un miroir figé entre deux âges, un miroir témoin d'une histoire primordiale. Ophélie n'arrivait toujours pas à comprendre comment elle avait réussi à effectuer un tel franchissement, mais elle était reconnaissante envers cet objet pour tout ce qu'il lui avait appris. Elle emprunta le transcendium le plus proche. Les battements saccadés de sa poitrine se mêlèrent au cliquetis des cylindres de la base de données. « Sir Henry veut te voir seul. » Elle tapa deux petits coups à la porte avant d'entrer dans la salle de l'ordonnateur. Elle se demanda si elle ne s'était pas trompée lorsqu'elle se cogna à une pyramide de carton. Il flottait dans la pièce une pénombre tremblante dont Ophélie comprit la nature au moment de prendre un jaillissement de lumière en pleine lunette. Posé sur un tabouret, un projecteur diffusait des images fantomatiques sur l'un des murs. L'appareil changeait de diapositive toutes les 10 secondes dans un claquement mécanique. C'étaient tous des agrandissements de texte imprimés. « Ne restez pas dans la lumière. » La voix de Thorne avait émané du fond de la salle, entre les piles vertigineuses des cartons, là où les ombres étaient les plus massives. Son long corps anguleux, tordu comme du fil de fer, était à la fois perché sur le tabouret et voûté au-dessus d'une visionneuse de microfilm. La loupe binoculaire de la machine avalait ses yeux, qu'il ne relevait qu'une fois toutes les 10 secondes, avec une ponctualité astronomique, pour jeter un bref regard à la projection d'une nouvelle diapositive sur le mur. Ses doigts tournaient avec application, millimètre par millimètre, les boutons rotatifs qui faisaient défiler le ruban de la bobine à travers la vitre de la visionneuse. « Prenez un carton, » ajouta-t-il sans s'interrompre. Ce n'était pas précisément affectueux, pourtant. Ophélie sentit aussitôt une humidité incontrôlable lui submerger les yeux, le nez et la gorge. Elle mesura tout à coup à quel point Thorne l'avait effrayée en la repoussant et à quel point il était rassuré de le revoir. Elle réprima de son mieux un reniflement dans sa manche d'uniforme, puis elle ouvrit un carton, au hasard, parmi les dizaines qui encombraient la salle. Il était rempli à ras-bord de bobines de microfilm qui portaient chacune une vieille étiquette délavée. « Si vous parvenez à déchiffrer une date, mettez de côté les plus anciennes, » préconisa Thorne. Avec des gestes à la précision chirurgicale, il remplaça la bobine de sa visionneuse par une autre. Ophélie aurait apprécié de le voir prendre une pause dans son travail, mais il paraissait plus obsédé par le temps que jamais. L'ampoule de la visionneuse faisait scintiller la blondeur argentée de la barbe qui commençait à lui envahir les joues. Ophélie avait beau se tenir à l'autre bout de la pièce, elle pouvait percevoir l'énergie brute qui se dégageait de lui comme un champ électrique. Depuis combien de temps était-il juché sur ce tabouret? Avait-il seulement conscience que la remise des grades venait de se tenir juste sous son secrétarium? Thorne fronça les sourcils quand il jeta un coup d'œil à une nouvelle diapositive sur le mur voisin et qu'il constata qu'Ophélie n'avait pas commencé son tri. « Je suis au courant pour votre altercation avec le sans-peur et presque sans reproche, pour votre conversation édifiante avec le professeur Wolf et pour vos recherches sur les livres de Idi après qu'ils ont été détruits par mes silences. » énuméra-t-il d'une seule traite. « C'est une excellente piste que vous teniez là. Si nous en avions discuté l'autre soir, au lieu de nous échauffer mutuellement, nous aurions gagné du temps. » Tous les micro-documents que vous voyez ici ont été réalisés à l'occasion de l'exposition interfamiliale d'il y a 60 ans, expliqua-t-il en replongeant les yeux dans sa loupe binoculaire. Ils n'ont jamais été rangés depuis. Il est raisonnable de supposer qu'une copie des livres de E.D. se trouve quelque part dans ces cartes. Je ne serai pas virtuose, le coupa Ophélie. À cet instant, elle se moquait éperdument des livres de E.D. Rien n'était plus urgent que le besoin impérieux d'avoir ici et maintenant une vraie conversation avec Thorne. Je m'en doutais. Il lui avait répondu sans relever le nez de sa visionneuse ni ralentir le défilement de sa bobine. « J'ai apporté un avis défavorable à votre montée en grade, » poursuivit-il d'un ton affairé. « Je présume que ça a dû peser dans la balance. » « Vous savez quoi ?» balbutia Ophélie. « Mais je croyais que vous vouliez... » « J'ai changé d'avis. Il m'est récemment apparu que les généalogistes s'intéressaient d'un peu trop près aux futurs avant-coureurs. Je n'aurais pas dû vous encourager à obtenir ce grade. Votre couverture ne leur aurait pas résisté longtemps. » « Dans ce cas, vous auriez pu vous en parler d'abord, » acheva Thorne à sa place. « Vous n'étiez pas exactement joignable ces derniers jours. » Ophélie se tut. Il régnait en elle un tel fouillis d'émotions qu'il lui était difficile de déterminer si elle se sentait immensément soulagée ou épouvantablement déçue. Elle prit une ample respiration. « Il y a autre chose que je dois vous dire, que j'aurais dû vous dire avant, en fait. »« Ça pourra certainement attendre encore un peu, » marmonna Thorne entre ses dents. « À raison d'une diapositive tous les 10 secondes et d'un microfilm toutes les 4 minutes, j'aurai trouvé ce que je cherche d'ici l'aube. » Se disant, il changea la bobine de sa visionneuse et recolla ses yeux à la loupe binoculaire. Ophélie traversa la salle en faisant attention à ne renverser aucun carton, ce qui n'était pas une tâche aisée. Thorne était si absorbé par ses microfilms qu'il ne la remarqua pas quand elle s'approcha de lui. Elle contempla, faute de mieux, l'immense courbure de ce dos qu'il s'obstinait à lui présenter. Elle ne s'en tenait plus qu'à une longueur de bras. La dernière fois qu'elle avait essayé de franchir cette distance, cet abîme entre eux, Thorne avait retourné ses griffes contre elle. Elle leva timidement la main vers l'épaule dont l'os roulait sous la chemise à chaque manipulation de bouton. Elle voulait obtenir toute l'attention de Thorne tandis qu'elle libérait enfin les mots longtemps coincés en elle. « Je vous aime aussi. » Elle eut un haut le corps. Thorne s'était retourné à une vitesse foudroyante pour lui bloquer le poignet. Sa réaction fut si brutale, l'éclat de ses yeux si dur qu'Ophélie crut qu'il allait encore la repousser. Dans un mouvement contraire, absolument imprévisible, il la tira en avant. Le tabouret bascula. Ophélie eut la sensation de s'enfoncer de tout son poids entre les côtes de Thorne lorsqu'ils tombèrent ensemble dans un fracas d'acier et une avalanche de cartons. La visionneuse explosa en débris de verre à côté d'eux sur le parquet. C'était la chute la plus spectaculaire et la plus incompréhensible qu'Ophélie avait jamais vécue. Ses oreilles bourdonnaient comme des ruches, la monture des lunettes lui meurtrissait la peau, elle ne voyait plus rien, respirait à peine. Quand elle réalisa qu'elle était en train d'écraser Thorne, elle voulut se dégager sans y parvenir. Il l'emprisonnait de ses bras avec une telle fermeté qu'elle ne distinguait plus les battements de leur poitrine. La barbe drue de Thorne lui entra dans les cheveux alors qu'il articulait « Surtout pas de gestes brusques. » Après la façon dont il venait de les précipiter par terre, cet avertissement était quelque peu incongru. L'étau des bras se relâcha muscle après muscle autour d'Ophélie. Elle dut prendre appui sur l'estomac de Thorne pour se redresser. À demi effondré sur le parquet, le dos contre une bibliothèque, il la surveillait avec une contraction extrême, comme s'il s'attendait à ce qu'elle provoquât une catastrophe. « Ne refaites jamais ça, » dit-il en appuyant sur chaque syllabe. « Me prendre par surprise, jamais. Avez-vous saisi ?» Ophélie était trop nouée pour lui répondre non, elle ne saisissait pas. Elle en vint à se demander s'il avait seulement écouté la déclaration qu'elle lui avait faite. Elle se décomposa en apercevant les éclats de métal répandus sur le parquet. Il ne restait plus grand-chose de l'armature de Thorne. « Rien qui ne puisse être réparé. » « Comment a-t-il ? » « J'ai des outils dans ma chambre. En revanche, ceci est plus ennuyeux. » ajouta-t-il avec un bref regard pour la visionneuse de microfilm éclatée en morceaux. « Je vais devoir m'en procurer une autre. » « Je ne crois pas que ce soit une priorité. » s'agaça Ophélie. Elle se mordit la langue quand Thorne pressa sa bouche contre la sienne. Sur le moment, elle ne comprit plus rien. Elle sentit sa barbe lui piquer le menton, son odeur de désinfectant lui monter à la tête. Mais la seule pensée qui la traversa, stupide et évidente, fut qu'elle avait une botte plantée dans son tibia. Elle voulut se reculer, Thorn l'en empêcha. Il referma ses mains de part et d'autre de son visage, les doigts dans ses cheveux, prenant appui sur sa nuque avec une urgence qui les déséquilibra tous les deux. La bibliothèque déversa une pluie de documents sur eux. Quand Thorn s'écarta finalement le souffle court, ce fut pour clouer un regard de fer dans ses lunettes. « Je vous préviens, les mots que vous m'avez dit, je ne vous laisserai pas revenir dessus. » Sa voix était âpre, mais sous l'autorité des paroles, il y avait comme une fêlure. Ophélie pouvait percevoir le pouls précipité des mains qu'il appuyait maladroitement sur ses joues. Elle devait reconnaître que son propre cœur jouait à la balançoire. Thorn était sans doute l'homme le plus déconcertant qu'elle avait jamais rencontré. Mais il la faisait se sentir profondément vivante. « Je vous aime, » répéta-t-elle d'un ton inflexible. « C'est ce que j'aurais dû vous répondre quand vous vouliez connaître la raison de ma présence à Babel. C'est ce que j'aurais dû vous répondre chaque fois que vous vouliez savoir ce que j'avais vraiment à vous dire. Bien sûr que je désire percer les mystères de Dieu et reprendre le contrôle de ma vie, mais vous faites partie de ma vie, justement. » Je vous ai traité d'égoïste, et à aucun moment je ne me suis mise, moi, à votre place. Je vous demande pardon. » Ophélie s'était voulue inébranlable, mais elle entendit sa propre voix se craqueler traîtreusement sur les derniers mots. Thorn fixa la larme qui roula sur son pouce. Il écarquillait tellement les yeux que sa balafre n'en finissait plus de se distendre. « Je dois insister. » grommela-t-il en raffermissant la prise de ses doigts autour de son visage. « Ne m'accostez plus jamais de dos ou dans les angles morts de ma vision. Ne faites aucun mouvement que je ne puisse voir venir à l'avance, ou alors avertissez-moi à voix haute. » Le projecteur de diapositive poursuivait ses flashs sporadiques. À chaque éclair, Ophélie voyait Thorn sous un nouvel éclairage. Ses mouvements de recul, ses pas de côté, son existence recluse, cette distance qu'il maintenait scrupuleusement entre lui et le reste du monde. « Vous ne maîtrisez plus vos griffes. » Thorn pinça les narines et amincit les lèvres. Toute sa figure semblait s'être rétrécie d'un coup. « Je peux les contenir si elles ne vous perçoivent pas comme une menace. » « Encore faut-il que vous observiez mes consignes et que vous évitiez de déclencher des réflexes défensifs. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être étourdi avec moi, c'est aussi simple que ça. »« Mais comment est-ce arrivé ?» bredouilla Ophélie. « L'inoculation de mon animisme aurait créé une instabilité dans votre pouvoir familial ?» Les sourcils de Thorn frémirent. « Ça vous met mal à l'aise. » Ophélie sut alors que cette perte de contrôle était plus humiliante pour lui que son handicap physique. Thorn ne s'était pas délibérément servi de ses griffes contre elle la dernière fois. Il ne s'en était même pas rendu compte. Elle se promit de ne jamais le lui dire. « Non, » répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Maintenant que je le sais, je serai vigilante. » Thorn la dévisagea avec une intensité presque brutale. Ophélie eut soudain une conscience aiguë, douloureuse, de ce vide qui lui creusait le corps depuis 3 ans. Elle se mit à trembler. Elle n'avait pas peur. Elle n'avait plus peur. C'était une vibration qui provenait des racines mêmes de son être. La pression des doigts de Thorn dans ses cheveux se fit d'abord plus forte, avant de se relâcher brusquement, tandis que ses mains retombaient. Il se racla la gorge. « Vous, ma boîte à outils se situe sous le lit de ma chambre. Pouvez-vous me la porter ? Je dois trouver une nouvelle visionneuse de microfilms et me remettre au travail, mais pour ça, » grimaça-t-il en essayant de plier l'articulation du genou, « je vais avoir besoin de ma jambe. » Ce qu'Ophélie possédait en elle de plus égocentrique s'insurgea. « Est-ce vraiment si pressé ?» Pour la première fois depuis une éternité, elle surprit sur les lèvres de Thorn ce léger tressautement qu'elle n'avait jamais su interpréter. À sa surprise, il sortit d'une de ses poches la vieille montre à gousset qui ouvrit, puis referma d'elle-même son couvercle pour lui indiquer l'heure. En fait, ça l'est. Un peu plus que cela même. J'ai jusqu'à la fin de la fête d'inauguration pour trouver le livre que m'ont réclamé les généalogistes. Passé ce délai, si je n'ai rien à leur offrir, ils feront disparaître Sir Henry de la circulation. Pouvez-vous m'apporter ma boîte à outils ? Demanda-t-il à nouveau en rangeant sa montre. Ophélie fixa Thorne avec incrédulité. Ils feront disparaître Sir Henry de la circulation, répéta-t-elle d'une voix sourde. Vous êtes Sir Henry ? Ce n'est qu'une identité que les généalogistes m'ont créée. Ils peuvent me la reprendre à tout instant et me livrer à Dieu, ou pire encore. Ce qu'ils feront, sans la moindre hésitation, si je ne leur donne pas ce qu'ils attendent de moi avant l'aube, ma boîte à outils, je vous prie. Vous saviez depuis le début que votre temps était compté, et vous ne m'en avez rien dit. Il aurait été contre-productif de vous en parler. Ophélie ne comprenait pas comment Thorne s'y prenait, mais il avait vraiment l'art et la manière de la mettre son dessus-dessous. Un instant plus tôt, elle luttait contre l'envie de se jeter dans ses bras. À présent, elle luttait contre l'envie de le gifler. « Mais pourquoi vous êtes allié à des gens pareils? Pourquoi mettre toujours ainsi votre vie en danger ?» Alors qu'il essayait de se redresser malaisément contre la bibliothèque, Thorne parut soudain remarquer l'éparpillement de papier, de métal et de verre autour de lui. Il vérifia ses boutons de manchette, puis son col de chemise d'un geste compulsif, comme s'il craignait d'être contaminé par ce désordre. « Parce que ma vie est la seule chose que je me sens en droit de mettre en jeu. Ma boîte à outils, s'il vous plaît, et un flacon d'alcool désinfectant, tant que vous y êtes. »« Mais pourquoi ?» s'impatienta Ophélie. « Pourquoi vous infligez-vous ça ? Pourquoi vous obligez-vous sans cesse à défier des forces qui vous dépassent ? Et ne me parlez pas encore du sens du devoir. Vous ne devez rien au monde. » Qu'est-ce qu'il a fait pour vous, le monde ? Le froncement perpétuel des sourcils de Thorne se relâcha d'un coup. Pas assez toutefois pour effacer la crevasse en travers de son front. « Vous croyez que c'est pour le monde que je fais ça ?» La tension qui lui électrifiait le corps s'amplifia aussitôt, contractant ses mâchoires et durcissant ses yeux. Ophélie réalisa alors que ce qu'elle avait toujours pris pour de la détermination était en réalité une véritable rage. Dieu a dit qu'il vous garderait à l'œil, murmura-t-il d'une voix suffoquée. Juste devant moi. Je fais un mari exécrable, mais je n'autorise personne, et surtout pas lui, à harceler ma femme. Il m'est impossible de vous arracher à Dieu, mais je peux l'arracher à vous. Et c'est ce que je vais faire de ce pas, dès que vous serez décidé à m'apporter cette maudite boîte à outils. S'il existe un livre qui détient le secret de Dieu et qui permet de mettre une faille dans son invulnérabilité, alors je le trouverai. » Ophélie soutint le regard de Thorne dans un face-à-face obstiné, puis elle se leva et s'en fut chercher la boîte à outils sous le lit de la chambre. « Réparez votre armature et oubliez vos microfilms, » dit-elle en la lui apportant. « Je sais où est ce livre.